Maman, je dois partir. Oh maman, maman, ne pleure pas. Oh maman, je t'écrirai, je te rêverai. Oh maman. Pardonne-moi, mais je dois partir. Merci maman, merci pour ma vie. Et pour ton amour de chaque jour. Oh maman. Je t'appellerai maman. Maman, je dois partir. Oh maman, maman, ne pleure pas. Oh maman, oui je le sais, je souffris. Mes amis sont déjà partis vers ce monde plein de lumière. La ville brille, la ville appelle. Oh maman. Je t'appellerai maman.